Bonsoir et bienvenue à une autre édition de l'émission de l'Opineur du Chef. C'est Denis Barry qui est avec vous jusqu'à 22h ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée d'automne, froide, fraîche, et que ce froid-là ne vous atteint pas, et que tranquillement on passe à d'autres choses, et c'est probablement bien ainsi. Alors ce soir, on va passer une émission un peu particulière, du moins dans la première demi-heure, on va faire un genre de petit voyage. Un petit voyage pour, je sais pas quoi, pour ceux qui vont partir en voyage, tiens, puis pour ceux qui aimeraient partir en voyage, puis que le voyage ne leur est pas permis pour le moment. Mais on peut faire des voyages de tout ordre. Alors, je vous en propose un pour la prochaine demi-heure. On va aller dans une émission que je qualifierais de poids plume ce soir. On s'attend pas à quelque chose de très, très lourd. Et j'espère que tout ça va vous plaire. J'espère que vous avez passé une bien belle journée, que tout le monde a été gentil avec vous, qu'il y a des gens qui vous ont parlé, qui se sont intéressés à vous, que vous êtes intéressés à eux et que les échanges ont été cordiaux. Alors, c'est l'Opineur du Chef jusqu'à 22h. Je salue tout particulièrement ce soir notre nouvel arrivant, notre commanditaire. Je trouve ça très sympathique et ça fait longtemps qu'il n'y a pas personne qui s'était associé à l'Opineur du Chef. Je suis très content. Alors, c'est le Chicho Café qui est là ce soir avec nous. Je les salue, je les remercie beaucoup au nom de vous autres, au nom de toute la communauté d'auditeurs et aussi au nom de CKRL. Et puis, j'espère que la musique va vous plaire et que si vous êtes là, ben, vous avez plaisir à penser qu'on pense à vous. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. On se dit vers 20h30, on se reparle. C'est Denis Barry qui vous parle et c'est l'Opineur du Chef. I was going to wait a while before we talked about. Maybe we'll talk about it now so you can think about it, because we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a free concert from now on. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. Now, let's face the situation. We've had thousands and thousands of people come here today. Many, many more than we knew or even dreamt or thought would be possible. We're going to need each other to help each other to work this out, because we're taxing the systems that we have set up. We're going to be bringing the food in. But the one major thing you have to remember tonight, when you go back up into the woods to go to sleep, or if you stay here, is that the man next to you is your brother. And you damn well better treat each other that way, because if they don't, then we blow the whole thing. But we've got it right there. Thank you. passage. Apprends comment se servir de soi. Ah. Découvrir des choses et faire un pas. Ah. Ah. Ah, ah, s'éloigner pour voir plus clair. thought that you knew it all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down, with both your feet on the ground. Our love slow but deep, pained affection wash over me. Ça vient tout juste de se terminer un peu cruellement, je m'en excuse. C'était la pièce Yet Another Movie. C'était bien sûr Pink Floyd, tiré du disque Delicate Sound of Thunder. Tout juste avant, on a entendu The Obituus of Mr. Lovergrove. C'était Dead Can Dance. On avait débuté l'émission avec Voyage au Tibet. C'était Jacques Tom Rivet, qui était le chanteur du groupe Pollen à l'époque. il y a déjà un certain temps déjà. En tout cas, tout ce qu'on entend depuis 20 heures à l'hôpital du chef, c'est temps présent et un temps déjà. Alors, vous écoutez l'opinion du chef, comme je vous le disais, et c'est Denis Barry qui vous parle, et je vous reviens tout de suite après la publicité que voici à l'instant. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers, ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui, la bonne cuivrée au thé. Yeah! Arrête ça! Cuivrée au thé! Hey! Cuivrée au thé! Eh oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. L'atelier de la mezzanine présente pour la troisième année son encan bénéfice d'œuvres d'art. Pour l'occasion, plus d'une trentaine d'œuvres d'artistes autodidactes ou professionnels seront mises aux enchères à un prix de départ dérisoire. Michel Marcoux agira à nouveau à titre de commissaire-priseur. L'encan bénéfice d'œuvres d'art le jeudi 14 novembre dès 17h au studio d'essai de la coopérative Méduse, 591 rue de Saint-Vallier-Est. Pour voir quelques-unes des œuvres qui seront mises aux enchères, consultez atelierdelamezzanine.com. Que vous soyez un amateur de musique ou un collectionneur averti, le 9 novembre aura lieu la première foire du disque de Québec. Des vendeurs de toute la province seront présents avec des milliers de disques vinyles. Rendez-vous de 10h à 16h au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard, 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Bonjour, ici Amissa et Steven, élèves de Jeunes Musiciens du Monde. Le vendredi 15 novembre à l'Impérial de Québec, c'est notre spectacle bénéfice annuel. Cora Légane, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, Mathieu Lippé, Papa Groove, Mariem, Webster, Pépé et sa guitare, Bougat, Millimétrique, la chorale Les Muses de Montréal du film Gabriel et nous-mêmes serons sur scène pour une soirée haute en couleurs. Une présentation de la Capitale Groupe Financier. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des Matins éphémères et de Change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200$ sera offert par la chocolaterie Héricot. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. C'est à notre tour de vous gâter. Cette émission vous est présentée par le Chichio Café. Un accord mets son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. Que nous soyons la terre, la cure d'un monde qui vient, qui va ou qui fut. Même si nous sommes l'ombre d'un passé grandiose, même si la vie n'est pas commencée, même si nous sommes tout ce qui est, que nous soyons des dieux, Satan ou quoi que ce soit, je regarde l'œil de la vache qui attend et crie en silence. from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And it's an answer, oh, it's from circumstance. One thing led to concern yourself with bigger things. You catch the pearl, ride the dragon's wing. 'Cause it's the heat of the moment, heat of the moment, heat of the moment, showed in your eyes. Sun. sun shining. Watched her wrist and her lip dying. The candles are alight. I sit alone in mourning. I wonder, is there death after life? Oh, midnight sun. From your days, yet I have seen the midnight sun shining. Welcome her full golden lining. For when I have to fight to wake up in the morning, I look to her for her open arms. Oh, midnight sun. Oh, midnight sun. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Oh, ouais. Oh, ouais. Dans le quartier Saint-Roch, Saint-Roch, il y a un salon de dégustation Station. Où l'on sert la bière de différentes façons. Son. On y trouve même un Randall. Check it out. Du 6 au 10 novembre se tiendra De la parole au conte, le rendez-vous de la parole contée à Québec. Des artistes de plusieurs régions du Québec, dont les îles de la Madeleine, se rejoignent dans la capitale pour vous offrir 5 jours de spectacle aux voûtes de la Maison Chevalier et au bar Le Sacrilège. Conte pour les grands, spectacle jeunesse et concours de la meilleure menterie. Programmation complète et billets en prévente sur lesamisimaginaires.ca. Les friandises d'Halloween, ça se mérite. Et la Maison Girardin l'a bien compris. Le samedi 26 et dimanche 27 octobre, de 10h à 17h, les jeunes pourront participer à la quête horrible aux friandises. Deux séries d'épreuves monstrueuses, dont une adaptée aux tout-petits. Samedi dès 16h30, assistez costumés à la parade des métiers de la mort. Et dimanche, des prix de participation seront tirés parmi les courageux qui viendront se faire tirer le portrait dans l'effroyable studio de photos de la maison. Pour vivre cet effrayant week-end gratuit, rendez-vous au 600 Avenue Royale à Beauport. Si vous osez, mardi dernier au Bal du Lézard se tenait un échange-débat organisé par l'équipe de monlimoilou.com en collaboration avec CKRL. Vous aurez l'occasion d'entendre la rediffusion de ce débat sur nos ondes le vendredi 25 octobre dès 10h. Les candidats et candidates Frédéric Chrétien de Démocratie Québec ainsi que Suzanne Véraud et Geneviève Hamelin d'équipe La Baume ont présenté leur vision du développement du quartier et se sont prononcés sur différentes thématiques et enjeux. Pour faire un choix éclairé lors des élections du 3 novembre, soyez à l'écoute ce vendredi à 10h. Cette émission vous est présentée par le Chichio Café. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. Depuis 20 ans, vous écoutez l'Opinion du Chef avec Denis Barry. Et j'espère que tout ça vous plaît. On passe une soirée ensemble, c'est quand même pas particulier, c'est pas ordinaire, devrais-je plutôt dire. Alors, depuis 20h30, on a entendu tout plein de choses. On a entendu Midnight Sun avec les Strubs. tiré du disque Hero and Heroine. Tout juste avant, c'était John Wetton avec Heat of the Moment. C'était tiré du DVD de Steve Hackett de Tokyo Tapes. Et John Wetton était le chanteur dans sa grande générosité, Steve Hackett lui avait laissé toute la place pour chanter ses chansons. Il avait chanté cette chanson de Asia, de version on ne peut plus acoustique. Tout juste avant, on a entendu Can't Find My Way Home. C'était Blind Faith. C'était Steve Winwood qui chantait. Et puis, c'était... qui l'accompagnait? C'était Eric Clapton qui l'accompagnait. Alors, c'était un groupe qui s'était formé tout de suite après la dissolution des Cream. Alors, c'était un groupe transitoire, mais quand même un groupe qui a fait sa marque dans l'histoire du rock. Tout juste avant Blind Faith, on a entendu... Claude Péloquin avec son texte Même Si. On a entendu aussi Blackfield avec la chanson Blackfield. Et on a entendu Is There Anybody Out There? C'était bien sûr les Pink Floyd. Tout ça étant parsemé de toutes petites... de petites folies auditives que j'espère que vous appréciez. Alors, vous écoutez donc l'opinion du chef à CKRL, c'est Denis Barry qui vous parle. Je salue les gens du Chicho Café qui se joignent à nous pour la première fois ce soir. Alors, bienvenue. En fait, je pense que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais c'est la première fois qu'ils s'associent à d'aussi près en commanditant cette émission. Je les remercie au nom de toutes nous autres et de CKRL. Grâce à des gens comme vous, on peut continuer à faire de la radio différente, libre et agréable, je vous le souhaite. Alors, pour la prochaine heure, c'est encore l'opinion du chef. Il est tout juste 9h06. Je vous souhaite une bien, bien belle soirée. On va commencer avec quelqu'un qu'on connaît bien. There is lambs under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a card in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. Second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. That I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, believing they're free. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in. The door of heart.

slumber empty of sounds. Over the rooftops and houses, lost as it tries to be seen. Fields of incentive covered with green. Mesmerized children are playing, meant to be seen but not heard. Stop me from dreaming, don't be absurd. error, and it poisoned my mind twice. It left me both times crippled, and it tossed my fate like dice. Looked into the mirror, and the devil smiled both times. My flesh was sold with no feelings, with no reason or rhyme. The smile on my face. Bonsoir, c'est l'émission L'Opinard du Chef qui est en onde à CKRLMF 89.1 à Québec et c'est Denis Barry qui vous parle. J'espère que vous passez une belle soirée. On vient tout juste d'entendre, bien sûr, vous les avez reconnus, nous sommes en ce moment dans la nuit des temps. Et puis, on peut se promener là-dedans indéfiniment puisqu'il y a tellement de choses qui s'est passé dans la nuit des temps. Donc, Spooky Tooth avec Gary Wright, qui était le chanteur, le clavieriste, qui a fait une carrière solo très prospère après ce groupe. Puis quand même, Spooky Tooth a marqué son époque. Tout juste avant eux, on a entendu Entangle, c'était Genesis, avec du disque Trick of the Tail, le disque qui a suivi la période avec Peter Gabriel, la période où Phil Collins s'est mis à l'avant. Et s'est mis à chanter plutôt. On peut en penser ce qu'on en veut, mais ils ont quand même fait une carrière extraordinaire. Tout juste avant, c'était Broken Mountain. C'était Riding Horses, la pièce. On a entendu Planet Caravan de Black Sabbath qui font un retour après de nombreuses années. On se demande toujours comment ils font, Black Sabbath, pour renaître de leurs cendres. Ils ont vraiment vendu leur âme au diable et ils sont capables de renaître comme ça 40 ans plus tard avec un nouveau disque, une nouvelle tournée, un nouveau Ozzy, un nouveau Tony. C'est comme ça. Tout juste avant Planet Caravan, on a entendu de Genesis aussi, mais de la période de Peter Gabriel, on a entendu que Carpet Crawler, c'était tiré du disque de Lamb Lies Down on Broadway. C'était ça qui a joué à l'Opinard Chef depuis 21h. Et là, on va terminer l'émission avec un groupe qu'on aime beaucoup ici. Je dis con, là, mais on est quand même juste moi, là. Mais j'imagine que plusieurs d'entre vous aimaient bien. Alors, c'est King Crimson. Je vous les passe à l'instant. Et c'était pas du tout aux autres, ça. Mais je pense qu'avant, je devais faire passer les publicités, fait que ça va être bien comme ça. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Du 6 au 10 novembre se tiendra De la parole au conte, le rendez-vous de la parole contée à Québec. Des artistes de plusieurs régions du Québec, dont les îles de la Madeleine, se rejoignent dans la capitale pour vous offrir 5 jours de spectacle aux voûtes de la Maison Chevalier et au bar Le Sacrilège. Contes pour les grands, spectacles jeunesse et concours de la meilleure menterie. Programmation complète et billets en prévente sur lesamisimaginaires.ca. Que vous soyez un amateur de musique ou un collectionneur averti, le 9 novembre aura lieu la première foire du disque de Québec. Des vendeurs de toute la province seront présents avec des milliers de disques vinyles. Rendez-vous de 10h à 16h au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Le Cercle fête ses 6 ans le 8 novembre prochain. C'est le moment d'ajouter la date à votre agenda culturel. Le billet au montant de 10$ inclut une consommation à l'apéro jazz dès 18h et un accès aux créations de nos chefs en parcours gourmand. Aussi, cocktail, lab culinaire, projection, troupe de danse, art visuel, riche au coin, à la claire ensemble, 4 DJ et artistes surprises vous émerveilleront jusqu'à très tard la nuit. Toutes les infos et concours pour gagner un laissez-passer sur 6ans.ca. Avec son décor digne d'une planque de vampires clandestins, le quartier de Lune, c'est la place où passer son 31 octobre. Participez nombreux à la soirée d'Halloween ce jeudi et courez la chance de gagner un des 3 prix de présence de 50, 75 ou 100$. De plus, chaque prix vient avec un certificat cadeau. N'ayez pas peur. Venez nous rejoindre au quartier de Lune, 799 Avenue Cartier. On est du ben bon monstre. Du ben bon monde, oui, c'est ça. Maintenant, à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui.

C'est sur cette pièce de Steve Hackett, In Memoriam, que va se terminer l'émission de ce soir. J'espère que vous avez passé une belle soirée. C'était Denis Barry avec vous depuis 20h. Et puis, avec grand plaisir, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre édition de L'Opinion du Chef. Dans quelques instants, suis ton oreille à soif. Belle fin de soirée. Soyez heureux. Au revoir. Téléchargez l'opineur du chef sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette émission vous a été présentée par le Chichio Café. Un accord mets son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Tea & Lounge au 67 René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. L'atelier de la mezzanine présente pour la troisième année son encan bénéfice d'œuvres d'art. Pour l'occasion, plus d'une trentaine d'œuvres d'artistes autodidactes ou professionnels seront mises aux enchères à un prix de départ dérisoire. Michel Marcoux agira à nouveau à titre de commissaire-priseur. L'encan bénéfice d'œuvres d'art le jeudi 14 novembre dès 17h au studio d'essai de la coopérative Méduse, 591 rue de Saint-Vallier-Est. Pour voir quelques-unes des œuvres qui seront mises aux enchères, consultez atelierdelamezzanine.com. La 7e édition du Festival de jazz de Québec, sous la présidence d'honneur de Raoul Duguay, aura lieu du 15 au 27 octobre. Plus de 80 spectacles qui animeront la ville avec comme invités de renommée internationale Nicky Yanofsky, Roy Hargrove, Ravi Coltrane. Les grands noms du jazz au Québec livreront des performances au Théâtre du Capitole. Cette année, le festival célébrera la rencontre du jazz et du classique en collaboration avec l'OSQ au Palais Montcalm. Informez-vous sur jazzaquebec.ca. Aujourd'hui, je sors de prison. Mon père vient me chercher dans un char volé avec de la coke dans la boîte à gants puis une pute sur la banquette arrière. Mon père avait pas changé. Il y avait sans doute une raison pour qu'il soit soudainement si gentil. Le Théâtre des Miettes dans la Caboche présente du 15 octobre au 2 novembre à premier acte la pièce Coronado de Denis Léaine, l'auteur de Mystic River. Ce projet est réalisé grâce au soutien de l'Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Québec. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des matins éphémères et de change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200$ sera offert par la chocolaterie Érico. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé.